Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'aventure sonore sur les sentiers de l'expérimentation artistique. Une émission carrefour d'œuvres tout aussi inclassable qu'insolite. Je reçois périodiquement des parutions récentes issues de labels spécialisés du Québec, certes, mais aussi de l'étranger, d'Europe notamment, dans le domaine des sonorités électroniques, des musiques concrètes, des musiques expérimentales, dont ces trois albums qui sont parus au cours des derniers mois sur l'étiquette Unexplained Sounds Group. C'est une plateforme de diffusion numérique qui origine d'Italie et qui a pour animateur Raffaele Pezzella, je vous l'ai déjà présenté. C'est un passionné de création sonore et de musique mystérieuse. Je le salue en passant, il est à l'écoute ce soir, j'en suis sûr. Alors, créé en 2014-2015, Unexplained Sounds Group s'est donné pour mission d'élaborer une cartographie internationale des musiques et des sonorités expérimentales, centrée sur des pays dont on n'a pas ou très peu finalement de connaissance de ce qui s'y passe, en tout cas en matière d'expérimentation sonore. Alors ce soir, je vous propose un survol de trois magnifiques anthologies préparées par Pezzella et ses collaborateurs. Une anthologie de musique expérimentale péruvienne, une anthologie d'exploration musicale chinoise et on débute ça ce soir avec quelques pièces tirées d'une anthologie de création sonore de l'Inde. Une première pièce pour vous mettre dans l'ambiance, une première pièce intitulée Illuminen de Surabhi Saraf. C'est une artiste médiatique, fondatrice du Center for Emotional Materiality. Sa pratique explore nos relations complexes avec la technologie à travers des œuvres qui intègrent vidéo, sculpture, performance physique. Alors ce soir, ce sera sonorité essentiellement de Surabhi Saraf. Thank you. très belle pièce de Sourabi Sarraf intitulée Illuminen. C'est lancé il y a quelques mois cette nouvelle compilation de musique exploratoire et d'œuvres sonores qui originent du continent indien. C'est publié sur le label Unexplained Sound Group. Ça nous présente un éventail de pratiques sonores qui se veulent plutôt en rupture avec les sonorités et musiques traditionnelles de l'Inde, mais qui puissent tout de même à l'héritage folklorique indien sous la forme de motifs ou encore de textures. Le lien fragile, mais toujours complexe, entre la tradition et la modernité est l'élément crucial dans cet ensemble d'œuvres. Comme le soulignent d'ailleurs les commissaires de ce projet, Raphaël Pezella et Bouddha Dia Chattopadhyay, ils ouvrent les guillemets, ils disent « ce qui est art sonore et ce qui est expérimental peut être longuement débattu, mais l'art sonore est une construction occidentale et l'expérimentation est quelque chose que les musiciens indiens pratiquent depuis fort longtemps. » Tout en gardant leur tradition vivante et transformatrice. Ce qui est nouveau dans cette compilation, c'est d'explorer la tension entre les trajectoires historiques de la pensée sonore et l'intervention des technologies modernes comme l'enregistrement et le mixage que les artistes continuent d'exploiter à travers leurs interprétations. Je referme les guillemets. Pour les commissaires, l'anthologie indienne encourage une écoute attentive des pratiques sonores et des cultures auditives dans les pays du sud-est asiatique avec un intérêt pour une écoute qu'ils disent décolonisée. Thank you. Eh bien, il s'agissait cette fois d'une pièce de Bouddha Ditya Chattopadhyay, une pièce intitulée Davini, tirée de cette anthologie intitulée Anthology of Explanatory Music from India. Et je poursuis ce rendez-vous avec les nouveautés de l'étiquette italienne Unexplained Sound Group avec une seconde anthologie parue celle-là en mai dernier, intitulée Anthology of Experimental Music from China. Comme nous le rapportent d'ailleurs les maîtres d'œuvre de cette compilation, Wang Ying et Raphaël Pezzella, la scène chinoise de la musique expérimentale et de l'art sonore a pris vraiment son essor avec l'ère post-Tiananmen. On raconte que c'est le musicien expérimental Dixon Dee, basé à Hong Kong, et l'artiste américain Dawin Yao qui ont propagé la musique expérimentale d'avant-garde occidentale, notamment sur le continent chinois grâce à Internet et à l'organisation de quelques festivals. La pratique, la diffusion de l'art sonore en particulier par le biais, c'est fait par le biais d'installations et de performances. Tout ça a été rendu possible par l'action de galeries de studios d'art contemporain qui ont fleuri dans les villes de Pékin, Shanghai, Guangzhou à cette époque. Alors, développé en dehors des institutions académiques et officielles, l'univers chinois de l'art sonore et de la musique expérimentale englobe, dit-on, la musique noise, l'expérimentation proprement dite, l'improvisation libre, l'art de la performance et l'installation sonore, il va sans dire. Pour se mettre dans l'ambiance de cette anthologie, je vous propose donc deux pièces. Une première intitulée Stranded, c'est de l'artiste, compositeur et expérimentateur Bashui, et une seconde de l'artiste chinois Hong Kile, artiste actif sur la scène brutiste notamment, une pièce intitulée Yin. Alors on commence ça avec Bashui. Thank you.

Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Alors je vous reviens après un bref battement promo. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, l'émission consacrée aux expérimentations sonores et musiques nouvelles. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre de toutes les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile, ainsi que toutes les émissions disponibles jusqu'à maintenant. Je poursuis avec l'écoute maintenant d'une troisième anthologie tirée, celle-là, des récentes parutions aussi du label italien d'art sonore Unexplained Sound Group. C'est un label qui se donne pour mission d'explorer et de diffuser des créations sonores et musicales de différentes régions du monde. Nouvelles musiques et expérimentations sonores d'Afrique, d'Iran, des Balkans, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et j'en passe. On a eu l'occasion par le passé de vous en proposer quelques-unes. Dans cette veine, je vous présente un album intitulé cette fois « Anthologie de musique expérimentale du Pérou » qui regroupe une quinzaine d'artistes sonores et de musiciens de cette région du monde. Il s'agit d'une compilation pilotée par Jorge Castro Ortega et Rafael Pezella. Le but de cette compilation, nous raconte les commissaires, est de mettre en évidence l'évolution des expérimentations sonores et musicales de là-bas à partir de la fusion d'influences d'avant-garde européennes, notamment avec le folklore péruvien, comme l'expriment des artistes comme Paola Torres, Nunes del Prado ou encore Vanessa Valencia Ramos, qu'on retrouve d'ailleurs sur cette anthologie. À leur manière, disent-ils, les commissaires, de repousser les limites de leur art et de créer une nouvelle identité sonore péruvienne, inspirante, dit-on, pour de futurs artistes. Alors, je vous propose qu'on écoute une création de Paola Torres Nunes del Prado. Ce sera suivi d'une œuvre, d'une création de Ivanka Kotrina, une œuvre intitulée Yakag. Thank you. Belle polyphonie, c'était cette fois Divanka, Kotrina, c'était précédé de Paola Torres Nunes del Prado et les gens du village de Topicocha, Pérou. Comme on le mentionne dans le magazine Avant Music News, Anthology of Experimental Music from Peru, couvre une grande variété de sons et de styles, y compris le drone, l'électroacoustique, le folk et l'expérimentation numérique d'ambiance. Vous l'avez un peu constaté dans la dernière pièce. Les artistes fusionnent des combinaisons de tonalités bruitistes, sonorités d'oscillateurs, enregistrements sur le terrain, de sons, de la vie en général, comme on a pu l'entendre dans le travail de Paola Torres Nunes del Prado. Il y a une texture singulière à ces expérimentations. Quelque chose se situant dans le spectre du clair-obscur, disent les commissaires. Alors, pour compléter la soirée, je vous propose qu'on écoute une pièce de l'artiste et compositeur péruvien Marcelo Mellado, s'est intitulée Viento en Círculos. Alors voilà, ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir. Toutes les pièces entendues sont tirées de trois albums récents diffusés sur la plateforme Unexplained Sounds Group, Anthology of Experimental Music from Peru, qu'on vient d'entendre deux extraits, Anthology of Exploratory Music from India et l'album Anthology of Experimental Music from China, trois albums inspirés par la singularité des cultures sonores et musicales de ces territoires. Vous trouverez ça facilement, les projets du label Unexplained Sound Group sur Bandcamp ou via Internet. Cela dit, je vous invite à acheter un coup d'œil sur le site Lacroche-Oreille pour la liste des pièces entendues ce soir, ainsi que le balado des émissions diffusées jusqu'à maintenant. Et puis, on termine ça avec une pièce de l'artiste chinois Liang Weiwan. C'est intitulé The Confucian Pleasure of Puppet. C'est une belle pièce ludique, s'il en est. Alors, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Restez des nôtres. C'est Mathieu Johnson, qui s'amène avec son rock médium, son rock séduisant. Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.